Bonjour à tous, bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du Web 2.0. Nous sommes le 1er novembre 2009 et c'est l'épisode numéro 2. Qu'avez-vous loupé ces dernières semaines sur la toile? Eh bien déjà le podcast Les Projets du Web qui est désormais disponible sur l'iTunes Store. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser des commentaires pour qu'on soit plus visible. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 projets qui sont d'ailleurs 4 sites web. Le premier c'est le site sansraison.fr qui est un site plutôt sympa qui vous permet en gros de proposer un sujet et qui ensuite recevra de la part des internautes sans raison qui s'applique à votre thème. Bon c'est pas très clair. Mais bon, en gros, je vous explique, j'en ai pris un au hasard sur le site. C'est donc sans raison d'être un geek. Et voilà entre autres ce qu'ont posté les internautes. Pour se sentir différent, ça fait fuir les filles moches, c'est pas sûr. Narguer les autres avec son hacky bag. Enfin bref, en tout cas, c'est un site plutôt sympa que je vous recommande. Et d'ailleurs, je vais instaurer un nouveau système de notation dans le podcast qui vous permettra de vous orienter vers certains podcasts. Donc ça commence dès cet épisode et je donne la note de 3 sur 5 pour ce site qui est bien réalisé mais qui malheureusement à la longue est un peu rébarbatif et finalement on n'a pas grand chose d'intéressant à faire dessus. On enchaîne avec L2Do qui est un gestionnaire de projets gratuit permettant aux développeurs indépendants de gérer leurs projets ainsi que leur évolution. C'est plutôt pas mal foutu, je l'ai testé et c'est très léger, très rapide et il y a le strict minimum pour gérer des petits projets. Par contre attention, c'est sûr que vous pouvez pas gérer des projets avec une équipe de programmeurs, c'est surtout pour les développeurs indépendants. Enfin bon, ça fait bien son boulot, ça tourne sur toutes les formes de Windows, 2000 XP et Vista. Mais pour les utilisateurs de Mac et Linux, il va falloir se reporter sur d'autres logiciels comme Gantt Project par exemple. Donc je donne la note de 3 sur 5 pour le projet L2Do parce que c'est un programme bien réalisé et plutôt agréable à manipuler, mais qui est encore trop restreint et surtout inutilisable sur Mac et Linux. Ensuite, je voulais vous parler d'un site qui s'appelle ExplainMe, c'est même plutôt un blog en fait, qui fait découvrir le graphisme et la programmation très simplement. Donc vous retrouvez par exemple des cours au format PDF très bien faits sur la couleur, la typographie, c'est très intéressant et très utile pour les graphistes et même les webmasters. Et vous pouvez aussi retrouver un dossier sur comment réaliser un site complet en Flash par exemple. Bref, ce site mérite bien la note de 4 sur 5 car il est non seulement beau mais surtout très intéressant. Le seul petit bémol c'est que pour le moment il y a un manque de contenu évident car le site est très jeune et surtout il y a une communauté trop faible pour le moment qui ne permet pas d'alimenter le contenu du site. Le dernier site de cette semaine c'est un site de mesure d'audience et de statistiques professionnelles qui s'appelle FE Rank qui est plutôt pas mal fait et qui pourrait selon moi rivaliser avec Google Analytics et Exity. Surtout maintenant qu'ils ont sorti les applications mobiles pour iPhone et Android qui vous permettent de suivre les stats de vos sites partout depuis votre mobile. Enfin bref, je vais vous laisser vous faire votre propre avis sur ce site parce qu'il serait difficilement notable, ça dépend beaucoup des goûts et des envies des webmasters. Les bonus des projets du web. Donc voilà, c'est une nouvelle rubrique que j'ouvre aujourd'hui, les bonus des projets du web. Je voulais revenir sur un projet évoqué lors de l'épisode numéro 1, essayonsparler.com. J'ai eu la chance d'enregistrer un interview avec le créateur du projet Aesop, c'est comme ça qu'il l'appelle. Voilà l'interview qui a été enregistrée un jour avant l'ouverture du site, c'était il y a presque 2 semaines maintenant. Voilà, je suis avec Stéphane Paton, le créateur du site essayonsparler.com. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Est-ce que très rapidement tu peux nous présenter ton projet, ce qui t'a poussé à le réaliser, enfin tout ça quoi. Ok, bah alors essayonsparler.com, c'est un site qui ouvre demain, donc c'est vendredi 16 octobre. Mm-hmm. Donc le concept est assez simple, chaque personne inscrite sur le site peut commander son badge, qui coûte 2€. Donc ensuite on porte son badge dans la rue, dans le métro, de partout, et dès qu'on voit une personne avec, on n'hésite pas à taper la causette, passer quelques minutes avec la personne pour faire connaissance, le temps d'attendre soit la prochaine station de métro, soit le bus, soit voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est plus qu'un réseau social en fait, c'est... Bah, c'est un vrai réseau social, quoi, au sens social du terme, du coup. D'accord, oui. C'est hors web. Ouais, c'est complètement hors web. Ouais. Sur le net, il y aura le site pour commander le badge, mais rien d'autre. Il n'y aura aucune communauté sur Internet, à part le D'accord. blog, quoi, mais bon, c'est pas Ça une pousse au communauté. social, justement. Voilà. D'accord. Et donc le projet à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut déjà acheter les badges? Est-ce qu'on est où? Eh ben, donc, non, mais comme j'ai dit, le site ouvre demain. Donc là, actuellement, on peut pas acheter de badge, on peut juste voir quelques photos que j'ai publiées sur Facebook, Twitter et tout ça. D'accord. Donc, eh ben, ça sort demain. Les badges sont disponibles dès demain. On a 200 badges pour la première vague. Donc, Ouais, quand je même. sais pas si ça va suffire. On a aucune. Parce que ça ouvre Je sais pas sur la savoir comment ça pardon. va marcher, quoi. Ça ouvre sur la France entière pour commencer ou il y a c'est sur une Non, non, région France entière, mais on va D'accord. d'abord cibler. Si on fait des actions, ça sera d'abord sur Rhône-Alpes, vu que je suis de Lyon. D'accord. Et voilà, c'est sur la France. En tout cas, tout le monde peut acheter son badge en hein. France et même Ok. Belgique, si les Belges veulent prendre le truc, y a pas de souci. D'accord. Et juste alors pour finir, comment tu vois l'avenir de ce projet? Eh ben, ça c'est chaud. Je vois pas du tout comment ça va évoluer en fait. J'espère que ça devrait commencer correctement avec beaucoup de commandes. Alors après, on n'a pas trop d'idées de la suite. On verra bien sur le moment. Ouais, bah ouais, mais moi je pense qu'il y a un bel avenir sur ce projet, donc J'espère, ouais. bah on va te suivre. Ça marche, bah merci à vous en tout cas. De rien, au revoir. Voilà, c'était l'interview exclusive enregistrée il y a 2 semaines. Je m'excuse pour la qualité sonore, mais c'était la première que je réalisais. J'espère que ça ira mieux pour les prochaines fois. Juste pour revenir sur Aesop, ils ont déjà, au bout de 2 semaines, 215 membres inscrits, 118 badges en circulation. Donc ils peuvent être très fiers de ces résultats. Et j'espère que ça continuera sur cette lancée pour eux. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour encore plein de nouveaux projets du web. Salut à tous!